C'est bagarre très petite là. Oui, on va blaguer dans le choumoum. Quand madame même qui finit dans tout le bagaille, il besoin d'adoucir pour rentrer au soleil. Ça le fait. Pourquoi on prend du tabac? Et pour ton petit bagaille, petit gamin, tu fais un cation, vitamine, ou pour mettre tabac, l'acheter c'est pas contre vous. Et là, vous avez un petit goudon, 15 goudons de bagaille, ça y est. Ou même, ou après, petit bagaille, ça y est. Ou surtout dans le plateau, ou dit petit point. Regardez non, caille pour, petit point. Mais, on va gagner qui arrive. Les camarades là, ouais. Ils ont dit, genre, par exemple, j'en ai compris, je ne vais pas taper une facile pour y aller comme ça. Ça, les gars, on a eu sous côté. On va pas parler. Regardez, non. On va pas faire tout le jeu, vieux, monsieur. Oui, tout le cas est pour les bâtons. Regardez, non, qu'est-ce que la ligne va pour l'IA, pour qu'elle vienne nous mettre sous l'ivre, la vie vient de chérie. En France, c'est ça, en France, c'est ça. Sorti. En vie, c'est pas la qui fait à soi. Oh, il y a chaque jour, il y a même dit, il s'est dit léger. La vie chérie vient là avec lui, dis ça. Oui. Bagay vin bon, dit à la gali. Elle y va, c'est on a dit. Jacqueline, quand on sorti, qui va sorti? Maman c'est la vie, tout jeune ma sous la propre chez nous. Qui mon qui cause ça? Grand monde, grand monde fait ça. Grand monde pète là, grand monde pète sous ça. Grand monde fait non ça. Il est trop tard. Abigail Obare. Bye, I feel the man, they get